Yeah. J'ai des familles, les mass cool. Les qui m'a record. Yeah. Une nouvelle sortie, mes frères. J'ai des. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra suivre? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Mr. Ligi dans la place, je suis dosé. Au fond de la place, doucement, je suis osé. Affaire à faire, pas ça dans la GD. Sur le dévis, hein, vas-y, sors ça. Attrape le beat, attrape le DJ, nous sommes trop bons. On veut tous se tuer là dans les bars. C'est moi le big ass, on fait sortir la jack. C'est le mot de passe. Je rappe en limite, on fait chaque minute. Je sors pas du lourd, mais je trouve ça mimi. Puis on fait du rap, parce qu'on trouve pas ça bidon. A chaque fois, je rappe chez les gens qui m'égalonnent. La GD, c'est des baisses, on étouffe que des sommets. Afrique, Dream, faut le poids dans la GD. Je suis fier, je sais, je suis pas un bébé. Je suis fort, je lis, je le devant. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Jappy. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Jappy. Yeah. Que toi tu dors, nous on fait le pas. Tu veux une charme mais tu n'assures pas. Regarde seulement, ne parle pas. Les petits d'aujourd'hui sont trop forts. Et en ce moment, les mets dans les airs. On appelle le vent, le feu sur les pieds. Comme Aubameyang, moi je cours, oh, je ne rate pas, aujourd'hui le feu sort. Mon ami ne dort pas. J'ai des dynamiques. Non, parle pas, c'est le Titanic. Je fais un new slow avec mes bros. Non, j'aime le thème de mes polos. Le but de la masse c'est de tuer. Pas de jouer mais d'avancer. Chez nous les plus forts sont toujours dosés. Léger, décompressé. Le rythme tempi est une mélodie. La nouvelle sortie me donne des maladies. Je finis mon texte en disant Chapi. C'est le D.O.R. Le jeu est versé. Hey Yamado, Yamado, Yamado. Là je t'ai lancé. Hey Yamado, Yamado. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Chappi. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Chappi. Attrape le DJ, oh, nana. Est-ce qu'il pourra assumer? Est-ce qu'il pourra maîtriser? Oh, oh, nana, nana. Chappi. Sosa, GD, Odambia, Odambi. Sosa, GD, Odambia, Odambi.